Que ce soit pour le démarrage, l'acquisition ou le développement de votre entreprise, la SADC Maria Chapdelaine peut vous aider à réaliser vos projets. Notre équipe est là pour vous aider à valider une occasion d'affaires, faire un montage financier, rechercher du financement et même participer à ce financement dans certains cas. Contactez-nous au 276-0405 ou encore via le www.sadcmaria.qc.ca. La SADC vous rappelle l'importance de soutenir nos entreprises locales. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. Parler de la NBA, évidemment, la NBA, le cirque de la NBA était à Montréal hier, les Raptors de Toronto contre les Nets de Brooklyn, mais ce qui a fait parler beaucoup plus que le match hier, c'est la sortie de Michael Fortier en compagnie de Kevin Gilmore et une personne de la Chambre de commerce de Montréal. Déjà, on a identifié un investisseur pour la possible équipe de la NBA, c'est Stéphane Chartier, le gars de Gamma World. On en parle avec Pascal Jobin. Salut Pascal! Salut Danny, ça va bien? Ça va bien. Pascal, d'abord, avant de commencer à parler de la NBA, je ne t'ai pas reparlé depuis ton aventure avec Comte Duke. Comment ça a été? Ça a été super. Tu as eu la chance. J'ai pas eu l'entrevue avec RJ Barrett, mais, ouais. Mais mon plus jeune a une belle photo avec lui sur le terrain en plus. Il a pas de l'air à parler français, hein? Parce que. Non, il parle français. Parce qu'il est capable, ça. Il veut faire les entrevues en anglais maintenant, là. T'sais, c'est pas quelque chose qu'il fait régulièrement, mais il est capable de parler en français. Mais ça a été une belle expérience pour les joueurs de McGill, pour moi comme entraîneur. Ouais. Le mois d'août, on a quand même joué contre, je pense, quatre universités division 1 NCAA, mais d'où que ça a été vraiment le fun. On a essayé de rester avec eux autres un petit peu, mais athlétiquement, la grandeur des joueurs, le calibre des joueurs a pris le dessus. Puis, faut pas se mentir, là, ils ont deux joueurs qui risquent d'être dans les trois premiers choix du prochain repêchage NBA. Fait que c'est une grosse commande. Et trois dans les 10 premiers, là. Non, mais deux dans les trois premiers. Ouais, puis un troisième qui pourrait s'ajouter dans les 10 premiers. Ah, ben là, tu peux parler de Cam Reddish, ouais. Si tu veux. Ouais. Ouais, mais il a pas joué dans le match. Ouais, effectivement. Pascal, hier, c'était pas le match qui a fait parler beaucoup plus que la sortie de Michael Fortier en compagnie de Kevin Gilmore et le gars de la Chambre de commerce de Montréal métropolitain. Il y en a un qui a carrément dit qu'il était prêt à investir 200 millions, c'est Stéphane Chartier du Gamma World. Comment t'as accueilli ça, cette nouvelle-là? Ben, 200 millions, ça paye à peine le salaire de Steph Curry sur une période de 4 ans. Ouais. Fait que... C'est sûr, mais c'est un début. Ouais. Moi, honnêtement, Danny, je suis un petit peu tanné. T'sais, ici au Québec, on parle pendant 2-3 jours de quelque chose, puis après ça, on l'oublie pendant le reste de l'année. Que ça soit au basket, que ça soit dans d'autres sports. Faut qu'on commence à comprendre que pas parce que la NBA vient à Montréal qu'il y a une équipe d'expansion qui s'en vient à Montréal. OK? Fait que pour moi, il n'y a aucune sortie qui a été faite hier. Il n'y a aucun commentaire qui a été fait hier qui me dit « Ah, on va avoir une équipe. » Que du monde veut l'investir, c'est super. Mais on le sait, ça fait des années, Danny. Tu le sais toi-même. Ouais. OK, on le sait, ça. La NBA le dit. En ce moment, ils sont à 30 équipes. Ça fonctionne très, très bien. Et toi et moi, Danny, ça fait quoi 3 ans que je collabore avec toi? On a 10 toujours ans. La même conversation. 10 ans. Oh, 10 ans. Hey, je suis rendu vieux. 10 ans. On a toujours la même conversation dans des périodes spécifiques. Ce que j'aime de toi, Danny, c'est qu'on parle du basket à l'année longue. Mais les gens au Québec, c'est comme, wow. Chris Boucher, ah wow, quel phénomène. Il a joué avec les Warriors l'année passée. Il a eu une super saison. Il a été blessé, c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas été repêché. Fait qu'il n'y a rien qui se passe. T'sais, on a un joueur de Montréal qui joue pour le Magic d'Orlando qui a fait un camp cet été à Montréal. Il n'y a aucun des médias qui s'est pointé là. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Puis lui, il est sous contrat. Moi, mon point dans ça, c'est que le basketball, c'est un des sports les plus populaires sur la planète. C'est un sport très populaire au Canada et au Québec. OK? C'est que les médias, c'est eux autres qui sortent de l'inconnu, on dirait. C'est parce que si t'es dans les médias sportifs, puis toi, Danny, je m'excuse, t'es pas nécessairement dans le mainstream. Là, mais tu sais quoi? Non, mais tu sais quoi? Toi, tu parles de tous les sports. Et tu parles à tous les gens régulièrement. Tu vas pas passer trois émissions à parler une fois du basket, une fois de la boxe, puis une fois, je sais pas moi, du cycliste, puis le reste de l'année à parler des Canadiens de Montréal. Non, non, c'est sûr. Je te dis, je sais rien contre les Canadiens. Fait que pour moi, il y a rien de nouveau. On sait qu'une équipe NBA, là, coûte à peu près 1,5 à 2 milliards maintenant. Ouais. OK? Fait que Montréal est une ville capable, selon moi, d'avoir une équipe de baseball, d'avoir une équipe de basketball. Je suis convaincu. OK? Ouais, OK. On a une équipe de hockey dans la Ligue majeure. Et c'est tout. Je m'excuse, les Alouettes, c'est la CFL. Je ne veux pas être méchant. Mais la MLS, par contre, ça s'en vient de plus en plus, le circuit majeur. L'Impact, ça s'en vient de plus en plus. Sais-tu quoi, Danny? Ouais. Une Ligue majeure, le joueur qui fait le moins dans l'équipe devrait être capable, après 2 ans, de prendre sa retraite et puis avoir travaillé. C'est pas le cas des joueurs de l'Impact. Non, c'est sûr, mais ça va devenir... Je pense que d'ici 10 ans, ça va dépasser la Ligue nationale, aux États-Unis. Moi, je pense qu'on s'en reparlera dans 10 ans. Là, on parle du sport le plus populaire sur la planète. Là, tu sais, ouais, veux dire. Ouais. Tu sais, mais mon point dans ça, c'est que c'est le fun d'avoir un match NBA. Mais moi, je te l'ai dit, je pense l'année passée. Je veux un match de saison régulière. Ouais. Je veux un match qui compte. Moi, ce que j'ai dit à... Un match de saison de 20 000 personnes, c'est le fun. Moi, je pense qu'on est rendu à un match de saison régulière. C'est un peu comme les Blue Jays quand ils viennent au mois d'avril. Mais moi, ce que j'ai dit à Michael Fortier, j'ai dit, j'aimerais ça, je vous respecte énormément. Par contre, convainquez-moi que ça va arriver, parce que moi, je n'y crois pas du tout. Puis là, je lui ai dit, pourquoi? Parce qu'Adam Silver ne parle jamais de Montréal lorsqu'il est question d'expansion. Il mentionne qu'il n'y a aucun plan d'expansion. Par contre, ce qu'on attend en coulisses, c'est que Seattle est dans le portrait, et Las Vegas, mais jamais Montréal est énorme. Même pas une fois! Tu sais, ce qui va faire mal c'est à Montréal, premièrement, c'est que la Ligue nationale de hockey, à ce que je sache, ne veut rien savoir de Québec. Oui. Pour plein de raisons, OK? Je pense que tu es d'accord. Moi, Danny, peut-être un gars d'hockey. Et le Canadien pousse en arrière. Bon, exemple. Mettons que le Canadien, eux autres, ça ne les intéresse pas non plus de splitter leur marché. Ouais. Fait que là, on parle de Seattle et on parle du Mexique, on parle de Las Vegas. Montréal est en quatrième. Ça, c'est si jamais il y a une expansion ou une équipe qui déménage. La NBA peut pas vraiment contrôler une équipe qui déménage. Ouais. Fait que moi, ce que je dirais à ces hommes d'affaires-là, le monsieur qui a dit qu'il est prêt à investir 200 millions, je dirais, ben pourquoi pas, tu vas investir 200 millions avec, je sais pas moi, les Pelicans, puis arrange-toi pour qu'il déménage à Montréal. C'est l'affaire la plus réaliste. Je sais pas si tu comprends mon point. Ouais, là, ouais. Ce que je veux dire par là, c'est que 200 millions, là, c'est pas grand-chose au niveau de ownership, de propriétaire d'une équipe NBA. Ça veut dire que s'il y a une équipe qui décide de déménager, puis essaie de me nommer en ce moment sur les 30 marchés, le pire marché de la NBA qui voudrait déménager à Montréal, mettons Sacramento. Ouais. T'es d'accord avec moi? Ouais. Est-ce que Sacramento préférait aller à Seattle ou à Montréal? Tu comprends-tu? Et pour les joueurs, même Pittsburgh. Pittsburgh. Mais puis Las Vegas, imagine-toi là. Ouais. Fait que le hockey en ce moment, il suit beaucoup le basket. Le hockey, ils ont fait 2 matchs. Je sais pas si t'étais au courant, il y a 2 matchs d'exhibition. Oui, en Chine. Oui, en Chine. Ouais. On essaie de parce que le marché, tu sais, on en a pas parlé, Danny, mais je pense qu'il y avait 50 millions de codes d'écoute télévision dans les finales NBA en Chine. L'année passée. 50 millions, Danny. 50 millions, OK? Ouais. Fait que, pour moi, il n'y a rien de nouveau. Moi, là, dérangez-moi lorsque Adam Silver va dire, là, on a 3 villes pour une expansion, la Mexico City, Seattle, puis Montréal. Là, je vais dire, oh, OK, OK. Ben, c'est ça. Tant aussi longtemps que j'entends pas ce mot-là, oublie ça sert à rien. Il n'y aura pas de basket à Montréal. Non. Il n'y aura même pas de ligue de développement, parce que la ligue de développement des Raptors, elle est à Mississauga, le 905. Fait l'affaire la plus réaliste pour nous autres, ça aurait été d'avoir le 905, de l'avoir ici à Montréal. À Place Belle. Puis de l'appeler le 514, mettons. Ils n'ont pas à la place. Ouais. À Laval. OK, ouais, c'est ça. Pas au Centre Belle. Non, à Place Belle, non. Mais moi, c'est ce que j'ai dit. C'est un peu ce que j'ai dit. Puis, c'est ce qu'il m'a dit, Michael Fortier. Il dit, plus ça va aller, plus la NBA retarde leur projet d'expansion, plus ça va nous aider. Parce que nous autres, on va commencer à faire des représentations auprès des propriétaires de la NBA. T'en penses quoi? Mais ça, je pense que ça, je trouve ça. Premièrement, M. Forti, il est un monsieur très intelligent. Ah, ouais, c'est un homme d'affaires. C'est pas un tata, là, Michael Forti. C'est pas un Uber. C'est sûr que là, tu viens me dire quelque chose que je suis à 100% en accord avec ça. C'est les gens, le groupe de Montréal là, qui ont le 200, 300 millions puis qui veulent être propriétaires, c'est à eux autres à créer des liens avec d'autres propriétaires. T'sais, moi, je serais probablement au match de Sacramento si je travaillais avec Marco Fortier, puis je parlerais avec notre ami qui est propriétaire Radisiv, là, le monsieur qui vient de l'Inde, qui est riche, puis je dirais, tu sais, Montréal, ça pourrait être intéressant. C'est ça la relation à développer. Puis Michael Fortier, c'est un gars qui... Silver, il va rien. Ça va coûter bien moins cher déménager que d'acheter une équipe. Tu comprends? Ou d'acheter une franchise. Puis sans compter que tu ne pars pas à zéro. Exact. Mais ce que j'ai dit à Michael Fortier aussi là-dessus, puis comme si un gars, par contre, qui est en contact avec les poches profondes, c'est lui. Puis lui, il m'a mentionné que les capitaux vont probablement venir de l'étranger. Ils ne viendront pas du Québec. Okay. Ça, on le sait, ça. On est d'accord avec ça. Ouais. OK? Mais, comme tu dis, c'est plus une question. Tu sais, lorsque Vancouver a déménagé à Memphis, c'était pas la NBA qui a demandé ça, c'est les propriétaires, les gens qui ont fait le transfert. Celui qui a acheté les Grizzlies l'a déménagé à Memphis pour compliquer. Mm. Fait que c'est sûr que si Sacramento, tu fais une étude de marché, tu te dis, regarde, si vous venez, les présentations des gens de Montréal doivent être faites devant des équipes NBA. Les 3-4, ceux qui sont au bas de l'échelle au niveau spectateur, économique, ces choses-là. T'sais. Mais faut pas oublier une chose. Les gens, ils oublient ça. Quand tu fais de l'argent comme athlète professionnel, c'est pas le fun de venir au Québec. On t'en enlève beaucoup. Ouais, mais par contre, t'es payé en américain puis tu dépenses en canadien. Tu le récupères. Non, ouais, mais ça change pas que pour tes 41 matchs, c'est que ce soit US ou canadien, pour tes 41 matchs, là, tu dois payer bien plus d'impôts qu'un le gars qui joue pour le Heat de Miami, exemple, pour le même montant. Ouais, mais par contre, tu vis. Je veux dire quelque chose, Danny. Lorsque Jason Kidd, il y avait le choix entre rester à New Jersey ou aller jouer pour les Spurs, OK? Ben, c'est sûr qu'il était à San Antonio. Non, il est resté avec New Jersey. OK. Mais il a perdu 20 millions dans son pour le même montant. Fait exemple, il avait signé pour 100 millions. Il y a 20 millions de plus qu'il a dépensé d'impôts parce qu'il habitait au New Jersey que s'il habitait au Texas. Fait que ça, c'est quand même, faut pas t'oublier. Ça, c'est des petits points, des petits détails que le commun des mortels, les gens, les fanatiques de sport, les spectateurs, ils comprennent pas. Mais quand tu parles à l'association des joueurs, ils vont dire, à Montréal, faut qu'on soit capable de vendre ça. Toronto, c'est vendable. Vancouver, c'est encore plus facile à vendre aux joueurs que Montréal. Tu comprends ce que je veux dire? Montréal, Danny, les joueurs, ils viennent à Montréal. Ils s'en foutent de l'argent, ils veulent jouer pour les Canadiens de Montréal. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire par là. Ouais, on l'a vu avec Alexander Radulov qui a perdu. Éric Lindros aurait sûrement joué pour les Canadiens, mais il voulait rien savoir des Nordiques, tu comprends? Mais les Canadiens, tu te dis, bon, je vais peut-être perdre un peu d'argent, mais je joue pour une équipe prestigieuse, puis avec cette classe-là. Puis c'est quand même les Canadiens. Hein. Danny, je vais défendre les Canadiens un petit peu. Ouais, mais c'est quand même, c'est plus vrai ce que c'était là. Écoute bien. Mais on l'a vu avec Alexander Radulov qui a refusé, qui est allé à Dallas parce que justement, il avait plus d'argent à Dallas. Il avait moins d'impôts. Par contre, ce que je dis là-dessus, écoute, tu vis en Canadien, puis tu es payé en Américain. Tu récupères une bonne partie. Ouais, mais ces gars-là passent la moitié de l'année chez eux ailleurs. Ouais, c'est sûr. Il n'y a pas beaucoup qui habitent à Montréal. Il y a juste des Max Pacioretty qui sont exceptionnels. Puis il va faire plus d'argent à Las Vegas qu'il a fait à Montréal. Hey, Pascal, t'es la même longueur. Donc, moi, tant et aussi longtemps qu'Adam Silver ne prononcera pas le mot Montréal, il n'y a rien de nouveau. Comme le commissaire du baseball qui, lui, n'arrête pas de parler de Montréal. Là, on peut s'exciter. Exactement. Moi, mon point, là, c'est lorsque ça va venir de la NBA. Ouais. Puis au pays Montréal. Mais que la NBA parle d'expansion, là, on va dire, OK. Et lorsqu'ils vont sortir une liste, puis Montréal est dessus, là, on commence à s'exciter. Ouais. Tant aussi longtemps qu'on n'a pas ces deux choses-là, oublie ça. Ça sert à rien. Ben, que tu me dises qu'il y a un monsieur qui a 300 milliards, puis que ci, puis que ça, de l'équipe. Bon, regarde, c'est bien beau. Mais, tu sais, Québec, là, et Québec, tu peux pas avoir une meilleure ville de hockey que Québec, là. La ville de Québec, là. Es-tu d'accord avec moi, Danny? Ouais. Mais ça, c'est un autre débat, mais je suis à peu près convaincu que. au niveau des spectateurs, au niveau d'amphithéâtre, je veux dire, c'est tellement winner, Québec, puis il n'y a pas d'équipe. Oui, ouais, effectivement. Pascal, en terminant, on fera le tour de la semaine prochaine, parce que la saison commence la semaine prochaine. On va faire le tour de l'Est et de l'Ouest dans les deux prochaines semaines. Il reste peu de temps. Je veux te parler de Chris Boucher. Chris Boucher, fais-tu l'équipe des Raptors? Non. Non? Non. OK. On lui a donné quelques minutes parce que c'était Montréal, par respect. Il a rentré deux beaux tirs. Je suis très, très heureux et content pour lui. J'y souhaite. L'amateur NBA souhaite à 100% qu'il fasse le club. OK? Mm. Pascal, l'entraîneur, puis la personne qui suit tout ce qui a rapport avec contrat, tout ça, il a pas sa place en ce moment. Ça va être dur. Il risque de jouer quelques matchs, un peu comme les Warriors ont fait. Ouais. Mais pourquoi? Ça, hein? Pourquoi? Parce qu'il n'est pas assez physique, parce qu'on disait qu'il n'était pas assez gros pour se charpenter et tout ça. Et si toi tu me dis ça, c'est déjà en partant un des gros points majeurs. Ouais. Puis je veux dire, tu sais, je veux pas être méchant, mais 6 pieds 9, qui shoot des 3 points, qui est capable de bloquer des shots. J'ai un 15 ans là, à De Mortagne, à mon école secondaire, de 6 pieds 9, qui a 15 ans, qui shoot des 3 points à un haut niveau en ce moment. Il est pas Chris Boucher, là. Mon point, c'est que c'est plus quelque chose d'exceptionnel au niveau des joueurs internationaux puis des joueurs NBA. Peut-être qu'au Québec, on est là, wow, 6 pieds 9, je tire des 3 points, ouais. Mais ça fait 10 ans que c'est rendu le nouveau basketball. Moi, je lui souhaite, je sais que c'est un athlète qui travaille très fort, c'est un athlète, ça dépend quelle équipe va... Tu sais, je vais dire quelque chose. Pour moi, Chris Boucher est un meilleur joueur offensif que Joel Anthony. Ouais. Mais Joel Anthony, quand il est arrivé à Miami... Il jouait un rôle spécifique. Mm. Son rôle spécifique, c'était d'être un super défenseur dans les pratiques. Puis l'opportunité dans les matchs, c'était vraiment courir le terrain, faire des dunks, faire des écrans pour LeBron James pour qu'il fasse des dunks. Tu comprends ce que je veux dire par là? Ouais. Et tandis que Chris Boucher, c'est quelqu'un... Moi, si j'étais dans l'entourage de Chris Boucher, après cette saison, je m'en irais en Europe pour faire de la vraie argent. Bon, c'est probablement ça qui va arriver. Parce que là, d'ici la fin de la saison, c'est quoi? C'est Raptors de 105 qui l'attend? Exactement. Fait que moi, pour moi, je m'en irai en Europe pour 300-400 000. Peut-être, il y a des endroits où Chris Boucher, je suis certain qu'il pourrait peut-être faire 500 000 à 1 million, là, selon moi, là. Okay. C'est sûr qu'il faut voir qu'il commence à penser à l'opportunité. Le rêve de jouer dans la NBA, c'est excellent. Mais moi, je pense que vu que c'est un bon joueur offensif, ça, il fit bien pour des gros clubs en Europe. Mm. Je pense que c'est là qu'il devrait. Tu sais, il va jouer un an ou deux en Espagne, là. Il est capable de partir de l'Espagne et de signer un beau contrat dans la NBA directement. Comme Cambridge a fait en passant. Cambridge était en Grèce. Mm. Après ça, je pense que Cambridge, il a signé dans la NBA, mais il a pas niaisé longtemps dans les ligues mineures aux États-Unis. Il est parti en Europe faire de la vraie argent, jouer dans des grosses ligues. Puis après ça, de là, a été capable de négocier pour quelque chose de plus intéressant pour la NBA. Mm. C'est ça, selon moi, que Chris doit faire. OK. Pascal, on se reparle avec le tour des séries, pas le tour des séries, mais le tour des conférences la semaine prochaine. Ça me fait plaisir. Pascal Jobin, notre collaborateur NBA.